Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment apparaît le nationalisme égyptien moderne ? Pourquoi Anglais et Français forment-ils un condominium en Égypte ? Comment pèse le contrôle financier des deux puissances sur une Égypte endettée, où le mécontentement et les tensions entre turco-circassiens et égyptiens de souche grondent ? Pourquoi le mouvement contre la caste mamelouk ? Et qui sont les Égyptiens de l'illustre slogan en 1881 « L'Égypte aux Égyptiens ». Aujourd'hui, c'est un grand et complexe chapitre qui s'ouvre, nous annonce l'historien Henri Laurence, pour introduire son cours sur les débuts de la crise égyptienne de 1881-82, la révolution égyptienne, entre guillemets, nous dit-il. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, il poursuit son récit chronologique sur le temps long dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux provinces arabes de l'Empire ottoman, mais il resserre également la focale à partir de cette séance sur la situation de l'Égypte au tournant de 1880. Avant de découvrir les difficultés politiques de la nation où l'autorité du Khédive est malmenée, où le pays endetté est mis sous tutelle franco-britannique, où propriétaires fonciers et militaires vont s'associer et former une tentative de mouvement libéral dans l'Empire ottoman, rappelons le contexte plus large de la tutelle européenne. Henri Laurence la présente de manière très éclairante dans un article pour le magazine L'Histoire en 2015 consacré au grand partage de l'Empire ottoman et je le cite. La question d'Orient, celle du sort de l'Empire ottoman et de son éventuel partage par les puissances européennes, débute dans les années 1768-1774. À la suite d'une guerre désastreuse contre la Russie, l'affaiblissement de l'Empire est devenu patent. Mais Français, Britanniques et Allemands ne parviennent pas à se mettre d'accord pour se répartir les dépouilles. Aussi, les crises d'Orient se multiplient-elles tout au long du XIXe siècle. Pour éviter que ces crises ne se transforment en guerre généralisée, poursuit encore l'historien, la solution la plus simple a consisté à laisser le concert européen exercer une tutelle collective sur l'Empire grâce à un système complexe de privilèges fiscaux et juridiques doublé de protections consulaires sur les individus et de protectorats collectifs sur des groupes religieux. On résume commodément cet ensemble sous le nom de traité de capitulation, selon une expression héritée du XVIe siècle. Dans les cours précédents, nous avons également vu comment chaque parti craint les manœuvres et complots des autres et définit son action en fonction de ses possibles conspirations. Nous voici, comme l'écrit Henri Laurence, devant la France et la Grande-Bretagne qui agissent de concert pour aboutir à un plan de consolidation de la dette sur la base d'un intérêt de 7%, ce qui conduit en Égypte à une prise de contrôle des finances égyptiennes par les commissaires européens. Au sommet de la hiérarchie, un commissaire britannique surveille la collecte des revenus et un commissaire français les dépenses, d'où l'appellation de condominium franco-britannique. Mais laissons place aux événements, aux décisions et à la crise qui va permettre l'émergence d'un parti national qui représente largement les intérêts des propriétaires fonciers et qui va se porter en faveur d'un programme constitutionnaliste. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Henri Laurence le 23 novembre, la crise égyptienne de 1881-1882. Alors maintenant, nous allons aborder un nouveau chapitre qui va nous occuper, je pense, jusqu'à la fin des séances de cette année, qui est l'affaire extrêmement complexe de la, entre guillemets, révolution égyptienne de 1881-1882, et qui est évidemment la dernière étape de la grande crise d'Orient qui a commencé en 1876. Bon, on a vu la vague qui s'est arrivée à la déposition de Medhat Pacha et des placards de Beyrouth, et maintenant nous glissons géographiquement vers l'Égypte. Donc en Égypte, vous vous rappelez, on avait imposé une loi de liquidation de la dette égyptienne qui avait là aussi fait une réduction des intérêts et une consolidation. Et l'Égypte est maintenant gouvernée par le Khédive Tewfik, le fils d'Ismaël, mais l'homme fort, c'est Riaz Pacha, qui est ce qu'on pourrait appeler un réformiste autoritaire. Donc, c'est un personnage très singulier qui est Riaz Pacha, parce qu'on l'a régulièrement, pas accusé, mais on a régulièrement insinué qu'il se serait un juif levantin converti à l'islam, mais on n'a aucune sûreté sur cette information, sauf que ça montre qu'il est d'origine assez humble, voire assez inconnue, et qu'il a accédé au poste de président du Conseil en Égypte de façon plus importante. Mais Riaz Pacha est aussi un sincère musulman, et il a été le patron, à moins un moment, des réformistes musulmans en Égypte, puisqu'il avait entre autres financé Jamal ed-Din al-Afrani, avant ensuite de l'expulser d'Égypte. Donc, il est incontestablement qu'au début de 1880, la situation en Égypte s'est améliorée et le pouvoir a un certain nombre de signes de popularité. Quand le Khédive fait des tournées provinciales, les populations l'applaudissent, ce qui semble positif. Mais la source des mécontentements, c'est l'ampleur du prélèvement fiscal qui pèse sur la campagne égyptienne pour financer le paiement de la dette. C'est pas directement le fellah à la base qui en souffre, ce sont les petits, moyens et grands propriétaires fonciers qui, eux, en souffrent. Et comme par ailleurs l'amélioration de la bureaucratie égyptienne dans cette période de réforme autoritaire de Riaz Pacha fait que les impôts sont levés plus régulièrement, donc ça augmente les protestations anti-fiscales. L'Égypte se trouve sous un contrôle franco-britannique, c'est ce qu'on appelle le condominium, ce qui explique pourquoi l'Égypte, on n'a pas discuté de l'Égypte au congrès de Berlin. Condominium, puisque c'est les Français et les Anglais qui détiennent la plus grande partie de la dette égyptienne, et qu'il y a deux contrôleurs des finances qui contrôlent l'ensemble des finances, un Français et un Anglais, et ils ont rang de ministre. Et par ailleurs, un certain nombre de fonctionnaires européens, français, anglais en majorité, ont été placés à des postes de commande de l'administration égyptienne. Alors évidemment, si on envoie des hauts fonctionnaires européens gérer l'administration égyptienne, c'est pour en améliorer le fonctionnement, mais il faut bien comprendre que si vous mettez d'un côté un fonctionnaire britannique et de l'autre côté un fonctionnaire français, le dysfonctionnement est pratiquement assuré parce qu'ils ont deux cultures administratives complètement opposées. Et cette invasion de la haute fonction publique par les fonctionnaires européens provoque évidemment un mécontentement de l'ensemble de l'administration égyptienne. De même, il y a un groupe qui se sent particulièrement victime de cette invasion européenne, ce sont les Syro-Libanais, les Chawam. Parce que les postes que les Européens occupent, c'est les postes qui revenaient habituellement aux Chawam, aux Syro-Libanais. Et les Chawam étaient en bonne position jusque-là parce que c'était les seuls dans la région qui avaient une connaissance parfaite des langues européennes, en particulier le français, et un niveau de technicité suffisant. Donc, On a des successions de mécontentements. On a le mécontentement des propriétaires fonciers. On a le mécontentement des Syro-Libanais, ce qu'on peut appeler des Levantins au sens générique du terme. Alors, il y a le consul des États-Unis en Égypte à cette période, a écrit un volume de mémoires qui sont tout à fait intéressants. Et il prétend, ce qui peut être pas faux, que les traitements des 12 premiers fonctionnaires européens en Égypte équivaut à la totalité des dépenses de l'État égyptien en matière d'éducation. Ce qui montre l'ampleur du prélèvement qu'opèrent ces hautes fonctions publiques. Alors, ceux qui sont particulièrement mécontents, ce sont les officiers de l'armée égyptienne, parce que ils souffrent des réductions de dépenses. Vous savez, ces gens qui vous disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires pour améliorer les finances de l'État. Et un certain nombre d'autres officiers ont été mis en demi-solde, et souvent leurs demi-soldes ne sont même pas payés. Et d'autre part, dans l'armée égyptienne, il y a une tension forte entre les deux composantes du corps des officiers. Historiquement, sous Saïd Pacha avait ouvert le recrutement des postes supérieurs de l'armée égyptienne aux Égyptiens de souche, aux Fallah. Mais Ismaïl était revenu à la pratique néo-mamelouk de faire venir des turco-circassiens, et donc des officiers qui avaient fait carrière et qui avaient progressé sous Saïd se trouvent bloqués dans leur avancement durant tout le règne d'Ismaïl. Et puis Ismaïl, en plus, avait fait venir, vous rappelez, des officiers américains de la guerre de sécession, y compris un général Stone Pasha qui était devenu chef d'état-major de l'armée égyptienne, et le tout avait conduit à la débâcle égyptienne en 1877, enfin dans la guerre d'Abyssinie. Et donc le mécontentement dans l'armée égyptienne est très fort entre ceux qui n'ont pas payé leurs soldes, l'ineptie des officiers supérieurs à qui on doit la défaite devant les Éthiopiens, et les officiers américains. Bon, alors les officiers américains, on avait pu les licencier, à l'exception de Stone Pasha qui était resté. Les Mamelouks continuent de contrôler l'administration supérieure de la guerre. Donc c'est bien ce climat de tension-là. C'est là sur lequel il faut comprendre la complexité de la situation de 1880-82. Il y a bien une ligne de clivage entre les Turco-Circassiens et les Égyptiens de souche, mais c'est pas la ligne dominante. Enfin, dans les événements, une partie des Égyptiens de souche seront contre la révolution et une partie des Turco-Circassiens passeront à la révolution. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une délimitation franche dans les événements. Alors, les protestations sont élevées dans le corps des officiers qui grondent. Alors, ce que s'explique le consul de France en Égypte, le baron de Ring, sur la situation. S'il y avait, donc ça c'est une dépêche du 4 février 1880. S'il y avait eu un peu d'équité dans ce roulement, peut-être la révolte n'est-elle pas eu lieu, car la dose de patience que le ciel a départie aux indigènes de l'Égypte est vraiment étonnante. Malheureusement, l'arbitraire déployé par le ministre de la guerre au profit de la caste mamelouk à laquelle il appartient a dépassé la mesure supportable même pour des fallahs. Jamais un officier turc ou circassien, époux d'une ancienne esclave du palais ou proche d'une odalisque, en activité de service dans le harem de tel ou tel personnage influent, n'était mis en demi-solde. Là, c'est un point essentiel. Nous avons encore en Égypte, aux alentours des 1880, ce qu'on appelle une politique du harem. C'est-à-dire le fait que, selon le mode de fonctionnement mamelouk, la promotion dans le milieu mamelouk se fait est marqué par le fait que vous épousez une concubine, voire une ancienne épouse, voire une fille du maître. C'est ce qu'on appelle la politique du harem, qui structure depuis des siècles le milieu mamelouk, et c'est ce qui se produit encore en 1880. Le malheur ne portait que sur les enfants du pays, considérés par tradition comme des êtres subalternes à la merci des conquérants. Mieux que cela, le haut de la caste dominante, qui forme l'entourage de Tewfik Pacha, en était venu à regretter que sous les derniers khédives, l'accès des grades militaires supérieurs lui ait été ouvert aux fils de fellah. Cette atteinte à ses antiques privilèges constituait à ses yeux un scandale qu'il s'agissait de faire cesser au plus vite. Et ce que rappelle le baron de Rigg, c'est que le grade maximum que peut atteindre un fellah, c'est celui de colonel. Ensuite, tous les généraux sont turco-circassiens. Donc, à ce moment-là, au début de 1881, il doit avoir 450 à 500 officiers d'active et 1000 en disponibilité. Et la crise éclate quand le ministre entreprend de remplacer les colonels égyptiens par des turco-circassiens. Les colonels intéressés prennent peur et se réunissent secrètement sous la direction de l'un d'entre eux, Ahmad al-Ouabi, qui se fait le porte-parole des mécontents et qui présente au ministère de la guerre une pétition le 16 janvier 1881. Donc le texte montre l'adoption des idées nouvelles. Je cite, « Lorsque l'avènement du Khédive fut connu dans toute l'Égypte, on proclama partout le règne de la justice. Tous les enfants du pays se sentirent libres et débarrassés du joug du despotisme qui gouvernait notre patrie depuis plusieurs siècles et qui nous traitait avec l'arbitraire le plus absolu. De tout cela, nous l'avons rendu grâce à la Providence et nous l'avons supplié de nous assurer le succès dans cette voie nouvelle qui devait nous guider dans les principes de l'équité, de la liberté et de l'égalité entre tous les citoyens. » Alors, en général, quand un Égyptien commence à utiliser le mot « citoyen », c'est que ça commence à devenir inquiétant, parce que d'habitude, ils sont réputés pour être soumis à l'autorité la plus aveugle et la plus arbitraire. Et donc, c'est plutôt mauvais signe. Et donc, protestant contre les révocations des colonels, ils demandent à leur tour la révocation du ministre de la guerre et la reconnaissance du mérite comme seule règle pour l'évolution des carrières des officiers. Alors, Riaz tente d'abord une conciliation en recevant les trois colonels qui paraissent être à la tête du mouvement, mais cela ne donne rien. Et donc, l'affaire est retransmise au Conseil des ministres du 30 janvier 1881. Et contre l'avis de Riaz, il est décidé de faire passer les trois colonels en cour martiale sous la présidence de Stone Pacha. Et donc, on convoque les trois colonels sous prétexte de service. Seulement, les colonels, ils connaissent leur histoire de l'Égypte. Ils savent ce que ça veut dire. Et donc, ils donnent des ordres à leurs camarades pour intervenir au cas où ils ne reviendraient pas. Et ainsi, donc, les trois colonels sont arrêtés et démis de leurs fonctions. Immédiatement, les principales unités de l'armée égyptienne passent à la mutinerie et encerclent le palais khédivial et le ministère de la guerre. C'est la débandade chez les turco-circassiens et les trois colonels sont libérés. Et donc les Européens d'Égypte qui ont des lettres parlent de pronunciamento, c'est-à-dire un coup d'État militaire, puisque le coup d'État militaire était une industrie en Espagne au XIXe siècle. Et à l'époque, c'était en Amérique latine et en Espagne que les militaires prenaient le pouvoir Et donc on parlait de pronunciamento. Si mes souvenirs sont bons, De Gaulle est le dernier à l'avoir utilisé en français. Là, de la guerre d'Algérie, cette référence au pronunciamento. Mahmoud Sami El-Baroudi, qui est un turco-circassien, c'est pour ça que les choses sont plus compliquées, est proche des trois colonels et est nommé ministre de la guerre. Et la première chose que fait Ourabi, qui a pris la direction du mouvement, est d'adresser un message au consul de France, le baron de Ring, pour lui demander d'intervenir avec les autres représentants européens en faveur des demandes des officiers. Je cite, « Les signataires de la présente requête s'adressent à l'esprit de justice des représentants des puissances par l'intermédiaire de son Excellence l'agent de la France, source de justice et de conciliation, toujours à la tête de la civilisation et du progrès, afin qu'il fasse ce qui est nécessaire pour la liberté des enfants de l'Égypte, pour qu'il nous débarrasse de la tyrannie et de l'arbitraire. Nous avons recours à la sollicitude des gouvernements européens pour nous aider et nous délivrer du joug des officiers mamelouks. » Donc ça montre que même quand on entre en révolte ou en révolution, les consuls sont des acteurs politiques de première importance que chaque parti va tenter de se concilier. Il faut bien comprendre que l'intervention européenne, elle est permanente et que tous les acteurs se saisissent des Européens pour faire avancer leur propre action. Donc, les consuls de France et de Grande-Bretagne se rendent auprès du Khedive, considèrent que les griefs des militaires sont justifiés, mais que le plus important est le maintien de l'ordre et de l'autorité du gouvernement. Donc, on a deux consuls essentiels, les autres suivent, mais c'est les deux du condominium. Hein. Donc, le français, c'est le baron de Ring, et l'anglais, c'est M. Mallet, ou Mallet, je ne sais pas comment on prononce, qui seront donc les deux grands acteurs durant toute l'année 1880, les acteurs des premiers mois de la révolution égyptienne. Donc, Mallet dit au Khedive, est-ce que vous avez les moyens de résister militairement? Le Khedive répond que non. Alors, il dit, bah, il faut que vous incliniez, ce qui est déjà fait. Et en quelque sorte, la médiation des consuls permet de rétablir le calme dans la mesure où ils garantissent les actions du Khedive, donne garantie aux révoltés que le Khedive tiendra parole. Donc le lendemain, Ourabi vient remercier le baron de Ring et lui marque la volonté des militaires d'obtenir la dissolution du gouvernement. Et le consul lui dit de ne pas se mettre à la remorque d'intrigants politiques et de s'en tenir à des revendications qu'on dirait aujourd'hui catégorielles et non pas politiques. Je cite. Oui. Alors, jusqu'ici, le consul de France ne s'était pas fait remarquer par une attitude favorable à ce qu'on avait appelé le Parti national égyptien. Il s'en était tenu à la défense d'intérêts financiers et à la bonne entente avec la partie britannique. Il avait été même un moment partisan d'une occupation conjointe franco-britannique de l'Égypte. Mais il est incontestable que le baron de Ring avait des mauvaises relations avec Riaz Pacha et que ses rapports avec le contrôleur financier français, Ernest de Blinière, étaient des plus médiocres. Donc ça a pu influencer son attitude. Mais il est au moins certain qu'il a une sympathie réelle pour le mouvement en cours. Je cite, « Le mouvement est un mouvement spontané du sentiment national égyptien. Il n'a été ni préparé ni conseillé par aucun des pachas jadis au pouvoir. Il est dirigé ni contre l'intégrité de l'Empire ottoman, ni contre la dynastie khédiviale, ni contre les contrôleurs, ni à plus forte raison contre les Européens en général, mais il est contre la caste mamelouk. Aussi suis-je d'avis que nous n'avons aucune raison de nous montrer hostiles à son égard. Certains Européens prétendent que sans l'élément turc et circassien, nul gouvernement n'est possible dans ce pays et qu'en livrant l'Égypte aux Égyptiens, on la vouerait à une anarchie irrémédiable. ne croyant fermement que la tyrannie et l'arbitraire ne sont pas non plus nécessaires en Égypte qu'ailleurs pour rendre les hommes bons et heureux. Aussi ne négligeons-nous rien pour empêcher nos compatriotes de tenir un langage imprudent et pour faire comprendre au Khédive que son intérêt véritable lui commande de s'appuyer sur la masse de ses sujets. Donc on voit, et il cite là dans ce texte, le slogan du mouvement qui va entrer dans l'histoire hein, sous le nom de l'Égypte aux Égyptiens, Masr, les Misriyin, avec toute l'ambiguïté de savoir qui sont les Égyptiens dans la seconde partie, c'est-à-dire si ce sont seulement les Fellahs ou si ce sont les Turco-Circassiens qui sont là depuis des décennies, qui font aussi partie des Égyptiens. Donc, la tension demeure vive et on soupçonne l'entourage khédivial de vouloir faire assassiner les trois colonels. Donc, de nouveau, Rabé vient voir le consul de France. Après m'avoir entretenu des périls qu'il court avec ses camarades, il m'a dit que la troupe allait se voir forcée d'exiger la dimension du cabinet tout entier, la formation d'un ministère indigène et la création d'une assemblée des notables appelée à contrôler les actes du pouvoir exécutif. Alors, le consul de France tente de le dissuader. Il s'ensuit une scène tout à fait théâtrale, d'après ce que dit le consul. À ces mots, le colonel tira son sabre, le déposa à mes pieds avec un geste dramatique en me disant « Vous êtes l'arbitre de la situation, décidez de notre sort. Ce que vous voudrez sera fait, mais je vous en conjure, prenez en main la direction du mouvement. » Je lui ai répondu en lui rendant son sabre « Calmez-vous. Nous veillons, Monsieur Mallet et moi, au respect de la parole donnée par le Khédive. Un changement de ministère dans les circonstances actuelles serait chose grave. Pourtant, si nous voyons que celui qui se trouve actuellement à la tête des affaires a perdu toute autorité, nous ne nous obstinerions pas et nous donnerons à son Altesse le conseil d'y apporter certains changements. Mais il faut que vous nous laissiez le temps de nous retourner et que jusque-là, vous vous teniez tranquille. Quant à vos demandes de garantie constitutionnelle, elles ne nous paraissent pas encore mûres. Je vous déclare franchement, l'Europe et en particulier la France ont fait beaucoup pour l'Égypte. Attendez avec confiance les effets ultérieurs de leur sollicitude. Ahmed Ouabi, parti satisfait. Alors, selon ce qu'écrit le consul, son homologue britannique, Mallet, était d'accord avec lui pour un changement de ministère et les deux hommes seraient déjà à discuter de la composition du futur gouvernement. On est dans une situation où les deux consuls forment le gouvernement égyptien. En tout cas, le consul de France entreprend des sondages dans ce sens pour savoir qui pourrait être le prochain président du conseil égyptien, et évidemment Riaz el-Khedive apprennent que le consul de France essaye de faire tomber le ministère. Mais derrière Riaz, il y a les contrôleurs financiers français et anglais qui considèrent que si Riaz tombe, c'est leur autorité à eux, les deux contrôleurs financiers, qui tombent aussi. Donc nous avons aussi une lutte entre les contrôleurs financiers et le consul. Colvin, c'est le contrôleur britannique, reproche aux Français de recevoir Ourabi alors que ces derniers ne seront pas au consulat de Grande-Bretagne. Ring plaide auprès du Khédive pour le renvoi de Riaz alors que le Khédive demande un soutien ostensible de la France et de la Grande-Bretagne. Le consul, par ailleurs, plaide toujours pour la prudence auprès des trois colonel. Alors en fait, le consul britannique considère que le consul français s'est trop avancé et qu'il est trop proche des mutins. Donc, afin de maintenir une apparence de collaboration entre les deux consuls, Mallet demande à Londres de rappeler les deux consuls à la fois pour information, ce qui indiquerait qu'il n'y aurait pas de rupture dans l'action conjointe entre Français et Britanniques. Et le Britannique, lui, est convoqué par le Khedive et par Riaz, qui le demande de se plaindre auprès de son gouvernement de l'attitude de son homologue français. Et pour se sortir de ce mauvais pas, le consul britannique propose au Khedive plutôt de faire une lettre que le Khedive enverrait au président de la République française, Jules Grévy, pour protester contre l'attitude du consul de France. La lettre, donc datée du 14 février 1881, accuse le consul de France d'entretenir des relations politiques avec les officiers insubordonnés, ce qui fait croire que la France soutient leur projet. Il accuse aussi le consul d'intrigue contre le ministère actuel. Et Paris adresse des réprimandes à son consul. Alors, j'ai oublié de le dire, c'était une évidence, mais nous sommes maintenant au temps de la première mondialisation. Nous sommes en temps réel. Je veux dire, nous avons une ligne télégraphique entre l'Égypte et l'Europe qui traverse la Méditerranée. Donc, les consultations entre Paris, Londres et le Caire et Alexandrie se font par télégraphe. Donc, on n'est plus au temps où les consuls pouvaient faire ce qu'ils voulaient parce qu'il fallait 3 mois ou 6 mois pour que la capitale leur adresse des instructions. Là, on est en temps réel. Hein. Au début des années 1880, la terre est plane, comme dirait quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les communications se font maintenant de l'IBNDNT. Vous savez, 3 ans plus tard, Jules Ferry tombera dans ce second ministère à la suite d'une dépêche venue d'Indochine. Donc, nous sommes maintenant dans notre monde du temps réel. Et cette crise est une crise où les capitales jouent un rôle parce qu'elles sont informées heure par heure, par télégraphe, de ce qui sont en train de se passer. Et Ring proteste autour à Paris en disant qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le maintien du contrôle financier et un système représentatif en Égypte. Mais c'est trop tard. Le 22 février, Paris envoie un ordre de rappel à son consul général en Égypte, officiellement pour présenter des explications au président de la République. Et en concertation avec l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, des instructions sont envoyées au Caire pour marquer que la politique franco-britannique est une politique de soutien au Khedive et non pas aux officiers. Le gouvernement français est donc d'avis qu'il y a lieu pour les agents de la France et de l'Angleterre en Égypte de prêter de commun accord à l'administration de Khedive tout leur appui et de décourager autant qu'il dépendra d'eux les tentatives qui pourraient être faites, soit pour renverser le trône de Tewfik Pacha, soit pour amener un changement violent dans son système de gouvernement. Et donc, cela s'arrête la seule tentative d'un représentant politique français de soutenir le mouvement libéral et constitutionnaliste dans l'Empire ottoman, puisqu'on avait déjà vu dans les cas ottomans que les constitutionnalistes avaient été rejetés par les Européens. C'est-à-dire ceux qui défendent les idées libérales dans l'Empire ottoman n'ont pas le soutien des Européens qui ont tendance toujours à soutenir les pouvoirs autoritaires. D'aucuns aujourd'hui ont encore cette tendance. Le Collège de France et France Culture vous présente Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, la crise égyptienne de 1881-1882. Donc, ce départ des barons de Ring provoque une certaine émotion dans la colonie française d'Alexandrie, qui est tout à fait remuante par ailleurs. On reproche à Paris d'avoir tout cédé aux Britanniques, mais le calme semble se rétablir. Mais ce qui est essentiel, malheureusement, c'est qu'il n'y a aucune confiance possible entre les colonels et le pouvoir du Khédive. Mais au-delà de ce qu'on peut considérer comme une question politicienne, c'est en fait, selon prendre un mot anachronique, mais j'aime bien, d'un grand monsieur que j'ai eu la chance de connaître, Jean Lacouture, l'Égypte entre en mouvement au début de 1880. Et nous en avons un témoin, c'est notre vieil ami, le capitaine de Torcy, qui passe quelques jours en Égypte à la fin mars 1881. Bon, comme c'est un bon fonctionnaire, il ne peut pas s'empêcher de faire un rapport à Paris. Et donc, voici un extrait du troisième rapport Torcy. Les trois colonels dont l'initiative a provoqué cette crise, inquiets des suites que l'on pouvait avoir pour eux dans l'avenir, l'acte d'indiscipline dont ils se sont rendus coupables, sont devenus de véritables conspirateurs, et ce qui est plus grave encore, des conspirateurs au grand jour. Autour d'eux se sont groupés nombre d'officiers et de soldats qui veillent sur eux nuit et jour sous prétexte que leur vie, ou tout au moins leur liberté, sont menacées. Et l'impunité dont ils jouissent ne peut qu'augmenter leur hardiesse. Partout dans les casernes, dans les corps de garde, se tiennent de véritables conciliabules, officiers arabes et soldats sont mêlés dans une surprenante familiarité. Quoique l'ordre de la rue soit parfait, c'est un véritable état révolutionnaire qui peut, au premier jour et sous le premier prétexte venu, se traduire en fait grave. Alors, capitaine de Torcy est un homme d'ordre et donc il craint que si cette situation d'anarchie se répand, la seule solution, c'est une intervention militaire européenne pour rétablir l'ordre. Il faut donc, en priorité, dissoudre et reconstituer l'armée égyptienne avant que cela soit trop tard. Alors, qui est Ahmed Orabi? Il est né en 1840 dans un village du Delta. Son père était chef de village. Il a reçu une instruction élémentaire dans une école locale, puis a étudié à Al-Azhar pendant 2 ans. Il passe dans l'armée d'abord comme fonctionnaire, puis comme officier. Il a eu une carrière rapide et brillante sous Saïd Pacha, ce qui lui a permis d'arriver à 29 ans au grade de lieutenant-colonel, Kaïm Makam, aide du camp du vice-roi. Mais il végète sans aucune promotion durant le règne d'Ismaïl, qui préfère les turco-circassiens. Durant la guerre avec l'Éthiopie, il était chargé du transport entre le Caire et le Soudan. Dans les années 1870, il a fréquenté épisodiquement certains cercles littéraires, dont celui de James Sanoa à Abou Nadara, l'écrivain contestataire, pamphlétaire égyptien. Il a surtout aussi fait connaissance d'un monsieur dont nous avons l'occasion beaucoup parler, qui est un Suisse, John Ninet, qui est un ardent démocrate suisse qui s'est spécialisé dans la culture du coton, d'abord en Amérique et puis ensuite en Égypte. Et Ninet, qui est donc... qui a sa propre propriété de coton dans le delta du Nil, a pris depuis longtemps la défense des paysans égyptiens, écrivant sous pseudonyme des textes à destination de la presse européenne pour dénoncer les malversations financières qui ont accompagné l'endettement de l'Égypte. Alors que le gouvernement égyptien n'a rien pu faire, puisque Ninette, en tant que citoyen suisse, est protégé par les capitulations. Et on a déjà vu, si vous vous rappelez, l'année dernière, le rôle que Ninette avait joué dans la rédaction du manifeste du Parti national égyptien. Donc, OAB connaît Sanoa, il connaît Ninette depuis longtemps. Il semble avoir fait partie d'un groupe d'officiers mécontents dont on connaît mal le degré d'organisation, d'où le fait qu'on parle, mais sans plus de détails, d'une société secrète. Il a participé à la tentative de coup d'État militaire, enfin d'émeute militaire de février 1879 contre le gouvernement dit européen. Il est passé en cour martiale et a plaidé non coupable. Mais de toute façon, la procédure judiciaire avait été faite pour dissimuler le rôle d'Ismaïl dans l'affaire de février 1879. Donc on l'a renvoyé à des fonctions civiles dans l'administration fiscale d'Alexandrie, mais ce n'était pas une pénalité. Dans le système égyptien du XIXe siècle, les militaires alternaient des fonctions civiles et des fonctions militaires au service du calife. Ça reste encore le cas aujourd'hui, ou plus exactement, on donne beaucoup de pouvoir aux militaires dans l'administration civile de l'Égypte d'aujourd'hui. Sous Tewfik, il est revenu dans l'armée. Ce qui explique aussi la tension forte en Égypte, ce sont les événements de Tunisie. En Égypte, les musulmans craignent une intervention militaire européenne analogue à l'invasion française de la Tunisie. Et l'affaire a été avivée par une question juridique complexe. Paris a exigé du gouvernement égyptien que le gouvernement égyptien reconnaisse que les ressortissants tunisiens résidant en Égypte sont des protégés français, puisque maintenant la Tunisie est un protectorat. Or, Abdülhamid refuse de reconnaître dans l'Empire ottoman les Tunisiens comme des protégés français, dans la mesure où il les considère comme des Ottomans, puisqu'il ne reconnaît pas la légalité du protectorat, et que d'autre part, la ligne directrice d'Abdülhamid a toujours été de refuser qu'un musulman soit protégé européen. Parce qu'un musulman protégé européen, ce serait le soustraire à l'autorité du calife et donc à une atteinte à son pouvoir califal. De plus, si on est protégé français en Égypte, on obtient ipso facto un certain nombre d'exemptions fiscales, d'où le nombre très considérable de gens qui se proclament protégés français d'origine tunisienne, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Tunisie et qui éventuellement ils n'ont aucune relation avec ce pays. Ce sont des protections de complaisance. Donc, la question pour l'Égypte, dans cette histoire des ressortissants tunisiens, est à la fois la défense de l'islam et de l'Empire ottoman et des ressources fiscales du pays. Alors, la première épreuve de force est constituée par la réorganisation de l'armée. Le gouvernement a accepté la revendication des militaires de mettre fin aux promotions par faveur, mais les colonels ne veulent pas se retirer de la scène politique. Indépendamment de leur ambition personnelle, ils ont largement des raisons de croire qu'à un moment ou à un autre, le Khedive cherchera à prendre sa revanche et que leur vie sera en danger. Alors, leur principale revendication, c'est de remonter le niveau de l'armée égyptienne de 12 000 à 18 000 hommes, 18 000 hommes étant le plafond imposé par les décrets qui ont suivi la déposition d'Ismaïl. Et le prétexte invoqué, c'est le risque d'invasion européenne concrétisé par la conquête de la Tunisie. Et dans le même genre, les colonels demandent que l'on renforce les fortifications d'Alexandrie et qu'on installe de l'artillerie pour faire face au risque d'une attaque navale européenne sur Alexandrie. Donc, ceci, évidemment, inquiète les Européens, parce que les Égyptiens prennent les armes contre un risque d'invasion européenne, c'est pas ce que les Européens veulent. C'est bien évident. Alors, on parle maintenant de l'existence de deux gouvernements en Égypte, celui des colonels d'un côté et le gouvernement du Khédive de l'autre. Alors, plus grave encore, le pays connaît ce qu'on pourrait appeler une crise d'autorité. Selon le gérant du consulat de France, puisque le baron de Ring a été rappelé, du 3 juillet 1881, l'anarchie fait aussi de très rapides progrès dans tout le pays, même chez le Fellah. Il y a quelques années, l'autorité du Moudir, c'est-à-dire du gouverneur, dans les villages était respectée et personne ne se serait avisé de lui résister. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Le Moudir, privé de sa courbache, c'est-à-dire de sa cravache, aboli sans avoir été remplacé, n'a plus d'action sur le Fellah, souligné dans la dépêche, car la prison qui n'a en Égypte rien d'infamant est considérée par ce dernier comme un agréable repos. Il faut bien comprendre, ce texte ressemble étrangement à ce qu'on dit sur l'Égypte en 2011-2012. Il n'y a plus d'autorité dans le pays. Quand les Égyptiens cessent d'obéir, c'est absolument redoutable pour un pays qui est fondé sur justement un culte de l'obéissance. Quand un Libanais cesse de bire, on s'en aperçoit pas, parce qu'en général, il n'obéit pas de toute façon. Tandis qu'en Égypte, ça, c'est grave. Alors, le nouveau consul de France vient d'arriver. Alors, c'est un Sienkiewicz. Donc, c'est un Polonais d'origine. C'est un cousin de l'écrivain polonais qui aura un des premiers prix Nobel de littérature avec Kovadis. Au début du XXe siècle. Et ça s'écrit de la même façon que le prix Nobel, si ça vous rassure pour l'écriture. Le nouveau consul décrit ainsi les conditions de la crise. Le Khédive n'exerce pas son autorité. Le Premier ministre n'a pas de légitimité pour le remplacer dans cette fonction. La réforme judiciaire pousse les indigènes à vouloir revendiquer leurs droits. Les fonctionnaires européens sont considérés comme trop payés, ils ne cachent pas leur mépris pour les indigènes, les musulmans n'acceptent pas obéir aux chrétiens, et, je cite, « J'ajouterai enfin qu'un sentiment nouveau que je qualifierais de patriotisme, si ce terme n'était beaucoup trop élevé, commence à se développer parmi le peuple égyptien. Dans tous les cas, la formule « l'Égypte aux Égyptiens » traduit ce sincèrement, les Mesrides, ça c'est un grand slogan, c'est ce qui est resté dans la mémoire collective égyptienne jusqu'à aujourd'hui, c'est ce slogan de 1881, l'Égypte aux Égyptiens. Alors, derrière le slogan, nous avons le rapprochement du groupe des grands propriétaires fonciers, pour la plupart d'origine turco-circassienne, avec les militaires. Les militaires ne demandent plus seulement des réformes de l'armée, ils ont adopté les mots d'ordre constitutionnalistes qui visent à la fois la mainmise européenne et le gouvernement khédivial autoritaire de Ayas Pacha. Et donc c'est l'intérêt conjoint des grands propriétaires et des militaires qui exprime durant l'été 1881 ce slogan. Si vous voulez, l'idée pour les grands propriétaires, c'est qu'un gouvernement constitutionnel issu d'élections contrôlera les finances de l'Égypte, donc on cessera de faire payer des impôts aux plus riches des Égyptiens. Et c'est tout le problème de l'adoption du libéralisme dans ces régions, c'est pas simplement une question de doctrine politique, ce sont des intérêts matériels concrets qui sont en jeu. Alors, les situations deviennent tendues avec multiplication d'affaires qui montrent l'insubordination croissante des militaires. Donc, dans ces mémoires au Rabbi, dans ces mémoires qu'on appelle les mémoires du Rabbi, ce sera le mémoire qui sera rédigé pour sa défense quand il passera en tribunal à la fin de 1882. Dont il existe une édition arabe, l'original arabe a été publié à côté de la traduction anglaise par les presses de l'université américaine du Caire il y a déjà une trentaine d'années. Les hommes des plus hautes classes se rendant compte de la situation qui nous était faite à nous qui sommes membres d'une même famille, se réunirent au Caire et décidèrent comme seul moyen à mettre un terme à cette insécurité la convocation d'un parlement égyptien pour garantir les vies, les biens et l'honneur de la nation, établir de justes lois pareilles aux lois des tribunaux mixtes, capables de sauvegarder nos droits et d'assigner les limites aux gouvernants et aux gouvernés. Et naturellement, les cabinets présents devaient disparaître. Sous ce ministère, toute sécurité publique fut bannie et la peur s'empara des âmes. On voit bien que pour les acteurs, la sécurité des personnes, c'est une réalité. Ils ont peur d'être assassinés, en particulier les officiers. Et pour les grands propriétaires, c'est la sécurité des biens parce que ils veulent un contrôle des ressources fiscales du pays pour diminuer le poids de l'impôt. Donc ça explique bien qu'à ce moment-là, il y a jonction entre les grands propriétaires fonciers et les militaires, bien que les grands propriétaires soient des turco-circassiens majoritairement. C'est bien pour ça que le clivage turco-circassien-fellan n'est pas un clivage opératoire, au moins durant cette période de la crise. Et derrière cela, il y a la couche en dessous de la société égyptienne, qui est la petite propriété rurale, dont sont issus les officiers, qui est en relation de travail direct avec les grands propriétaires fonciers. On a donc une coalition d'intérêts hétérogènes qui se regroupe sous ce qui devient l'affirmation politique d'une identité égyptienne. Les Français eux-mêmes sont plutôt hostiles à Riaz, que les Français soupçonnent d'être plutôt favorables aux Britanniques. Alors la diplomatie française est embêtée, puisque d'un côté, elle ne veut pas de troubles qui provoqueraient une intervention militaire qui serait une occupation britannique, et de l'autre côté, elle ne peut pas accepter que le désordre continue de s'étendre dans la vallée du Nil. Et donc, on évoque à ce moment-là la possibilité d'une démonstration navale franco-britannique devant Alexandrie pour appeler qui est le maître aux uns et aux autres. D'où le fait que les militaires égyptiens demandent le renforcement des fortifications d'Alexandrie. Le 20 août 1881, Orabi transmet au gouvernement une note qui comprend un certain nombre de mesures destinées à améliorer le sort matériel des officiers, mais le gouvernement préfère atermoyer plutôt que se lancer dans une épreuve de force. Mais en même temps, en août 1881, des nouvelles inquiétantes commencent à arriver du Soudan égyptien. Ce que donne la dépêche du consul de France, un chef de congrégation religieuse nommé Mohamed Ahmed s'étant donné comme prophète, ayant causé par ses prédications des troubles sérieux dans les villages de la Moudirie, c'est-à-dire le gouvernorat, de Fachouda, le gouverneur général envoya quelques troupes pour l'obliger à se tenir en paix, mais les derviches qui suivaient Mohamed Ahmed dans ses tournées se précipitèrent sur les soldats et en tuèrent 125. Il paraîtrait toutefois qu'à la suite de cette rencontre, Mohamed se serait retiré dans le Kordofan. Ça, c'est le début du mouvement mahdiste soudanais qui va aussi passionner et intriguer l'Europe durant les premières années 1881. Toujours dans la même région, il y a l'arrivée des Italiens en mer Rouge qui commencent à vouloir grappiller des positions sur la mer Rouge dans des territoires revendiqués par l'Égypte dans son empire proprement colonial. Et l'Égypte ne peut rien faire d'abord parce que ses finances sont bloquées, ensuite parce qu'aucun militaire ne veut aller au Soudan, parce qu'on considère qu'aller au Soudan c'est une punition pour vous éloigner du centre politique où le grand conflit. Alors la presse égyptienne est devenue complètement libre C'est pour ça qu'on parle de crise d'autorité dans ces événements de 1881. Et elle conteste la prétention européenne à avoir le monopole de la civilisation. Et les thèmes de la presse arabe, enfin écrite en arabe, c'est de dire que les Anglais rejettent le droit des Chypriotes d'être réunis à la Grèce, les Français ont violé le traité de Berlin en s'emparant de la Tunisie, qui fait partie de l'Empire ottoman, et puis en Orient, on n'a pas tous ces désordres qui existent en Europe, comme les nihilistes, les socialistes, les ouvriers des usines, les royalistes, les révolutionnaires irlandais. Ben, tout ce terrorisme qui existe en Europe, il n'existe pas chez nous, dit la presse arabe durant l'été 1881. Et on y ajoute le désordre des mœurs, la prostitution, les élèvements contre rançon, etc., qui sont communs en Europe. Donc, pour une fois, on a une presse arabe qui répond du tac au tac et qui renverse les arguments de la presse européenne. Autrement dit, soyons plus clairs, dans la mesure où les Égyptiens ou les intellectuels commencent à mieux connaître l'Europe et l'Amérique, moins ils sont prêts à accepter la revendication européenne ou américaine d'avoir le monopole de la civilisation. Cette même presse égyptienne accuse les écoles européennes en Égypte de vouloir faire changer de religion les élèves musulmans. C'est le début d'une thématique destinée à s'inscrire durablement dans la culture politique égyptienne, que les écoles étrangères sont des instruments de conversion au christianisme. Ça va durer jusqu'à la révolution, enfin celle de 52 et au-delà. Cette affaire des écoles étrangères. Quand les consuls européens, en premier lieu celui de France, protestent et demandent des mesures de censure, la même presse joue malicieusement des divergences européennes en publiant des florilèges des journaux européens. En disant, on n'a pas besoin, c'est eux qui l'écrivent. Donc ils prennent les articles de la presse anglaise qui décrivent les turpitudes des Français et puis les articles de la presse française qui décrivent les turpitudes des Anglais. Et ils disent, vous voyez, c'est pas nous, c'est eux qui le disent. Hein. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, la crise égyptienne de 1881-1882. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien publie à la mi-février les crises d'Orient, Questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard. Je rappelle également ses ouvrages L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945 chez Armand Collin en 2015 et son recueil d'articles Histoires orientales chez Simbad en 2013. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Henri Laurence sur l'Égypte au tournant des années 1880. Et dans quelques instants, les petits matins d'Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.